Sans repère, j'aurais voulu connaître sans repère. Qu'il me tienne la main comme ma mère. À l'école, ma compagnie, j'aurais été fier. Et je me serais passé des commentaires. Comme où est ton père? Et ça aurait peut-être facilité la vie de ma mère. Et je ne vais pas mentir, j'ai fait des choses dont je ne suis pas très fier. À croire que j'avais conclu un pacte avec Lucifer. Il y a des choses à ne pas dire et à ne pas faire. Il y a des fois, je me demandais pourquoi nous n'avions pas de pension alimentaire. À savoir peut-être que son front a touché terre, qu'on est en train de l'enterrer. J'aurais voulu comprendre, l'entendre fut un temps. Mais le problème, c'est qu'en grandissant, je me suis muni de Parera. Grandir sans paix, ça laisse des séquelles d'espérer un jour qu'il t'appelle. Grandir sans repère, à la longue trop d'indifférence, on s'en fout de nos ressemblances. Grandir sans paix, ça laisse des séquelles d'espérer un jour qu'il t'appelle. Grandir sans repère, à la longue trop d'indifférence, on s'en fout de nos ressemblances. Grandir sans père, frère, c'est comme grandir sans repère. Y'a rien à faire, contre ça pas de remède. Tout ce que j'ai et ce que je suis, ça je le dois à ma mère. Toi tu t'es barré et puis t'as fui, tu peux aller te faire, mais je sais, beaucoup ont été dans ce cas-là. Ne pas savoir ce que c'est que d'avoir un papa. Et moi, dès le plus jeune âge, t'assure, je savais même papa. Pourquoi papa n'était pas là? Quand je voyais mes proches avec leurs darons, bon, je savais qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond au fond. J'ai la chance d'avoir une mère en or, pas de chance d'avoir juste un géniteur. Quelques expressions physiques, des questions sans réponse qui persistent. Voilà tout ce que tu m'as légué, franchement est-ce pas un peu léger? Grandir sans paix, ça laisse des séquelles d'espérer un jour qu'il t'appelle. Grandir sans repère, à la longue trop d'indifférence, on s'en fout de nos ressemblances. Grandir sans paix, ça laisse des séquelles d'espérer un jour qu'il t'appelle. On s'en fout de nos ressemblances. Grandir sans paix, ça laisse des séquelles d'espérer un jour qu'il t'appelle. Grandir sans repère, à la longue trop d'indifférence. On s'en fout de nos ressemblances. Grandir.